R2N, les acolytes, étoile des rêves, 2010, écoute. Étoile des rêves, je nettoie mes larmes, cet état m'énerve, garde des larmes, y'en a des masses, je suis perdu, je vois que l'amour est téméraire, bébé c'est hyper dur, tu fais que violenter mes rêves, je te jure. Étoile des rêves, je nettoie mes larmes, cet état m'énerve, garde des larmes, y'en a des masses, je suis perdu, je vois que l'amour est téméraire. Bébé c'est hyper dur, tu fais violenter mes rêves. Le temps écrit dehors, un temps de chien, un temps d'hiver. Rappelle-toi à l'époque où on ressentait tant d'ivresse. Tu ressens beaucoup de peine quand tu perds ton trésor. Mec t'es perdu dans ta tête, mais c'est comme ça désormais. C'est les yeux fermés que j'avance, parce que je ne veux plus rien voir. Vu que plus rien ne sera comme avant, même de plus en plus infâme. Je suis un star de faux, tu m'accroches et non que je dérape. Je peux t'assurer que seul le rap peut être mon thérapeute. Quand je t'ai vu y'a pas si longtemps, j'ai commencé à comprendre que ça servait à rien de tuer mon cœur aussi lentement. Entends-moi, comprendre ce n'était pas aussi facile. J'avais pas tant en banque, seulement de l'amour massif. C'est vrai que tu es pas un exemple ni un mec parfait. Dis-moi pourquoi me reproches-tu les erreurs que je n'ai pas faites. Mais c'est ainsi, apparemment et pas autrement. Y'a pas que les câlins, miss, même les autres moments me manquent. Étoile des rêves, je nettoie mes larmes. Cet état m'énerve, garde des larmes, y'en a des masses. Je suis perdu, je vois que l'amour est téméraire. Bébé, c'est hyper dur, tu fais que violenter mes rêves. J'te jure, étoile des rêves, je nettoie mes larmes. Cet état m'énerve. Garde des larmes, y'en a des masses, super perdu. Je vois que l'amour est téméraire. Bébé c'est hyper dur, tu fais violenter mes rêves. Je cherche quoi me reprocher, je me retourne la tête tout le temps. Je t'ai toujours respecté, j'ai été droit, mais pourtant te portant quand t'allais mal, tu t'en rappelles. Je t'ai tendu mes mains sales et toi tu m'as rendu de la peine. Je dis pas ça pour t'offenser, non ça je me le permettais pas. Juste un beat, une mélodie pour te montrer comment je trépasse. Étoile des rêves, je nettoie mes larmes. Cet état m'énerve, garde des larmes, y'en a des masses. Alors aidez-moi, même à monter les marches, quitte à faire mes calculs, car j'ai tensé chez les maths. Ces putains d'erreurs sont faites pour pas que tu les recommences. Depuis que t'es parti, c'est l'enfer, y'a plus personne qui me recommande. Sache que même dans mes pensées, même dans mon cœur, ça parle de toi. Comment veux-tu que je puisse t'oublier quand tous ces moments me narrent? Quelle que soit la raison, au final, c'est pareil. Comprends, j'ai tellement la haine qu'on se soit séparés. En bref, ce n'est qu'une grave blessure ne pouvant être soignée. Si cette histoire, je vous la résume, ben en trois mots, elle est foirée. À partir de maintenant, j'arrête tout, trop de flèches dans mon cœur. Cupidon a bien fait sans bise, même qu'il s'en moque. En fait, t'étais mon moteur, mon système à la base de tout. Mais le pire, c'est quand tu pensais que j'hésitais alors que je n'avais pas de doute. Mais quelle est cette sensation? Avant, j'étais au maximum. Depuis que t'as fait tes valises, ben là, je me sens archi mort. Quand j'étais perdu, il n'y avait que toi qui étais là. Maintenant, ben quand je vais mal, j'évite les larmes, non, je tire des larmes. Je suis pas du genre à parler de mes peines, tu le sais, les vrais me connaissent. Mais quand ils j'ai d'une vraie plaie, ça engendre une vraie colère. Je suis sûr que je peux être regrettable vu l'amour que je t'ai tant donné. J'espère qu'un jour tu me regretteras. Je dis ça pour garder mon honneur. Je dis ça pour garder mon honneur. Étoile des rêves, je nettoie mes larmes. Cet état m'énerve, garde des larmes, y'en a des masses. Je suis perdu, je vois que l'amour est téméraire. Bébé c'est hyper dur, tu fais que violenter mes rêves, je te jure. Étoile des rêves, je nettoie mes larmes. Cet état m'énerve, garde des larmes, y'en a des masses. Je suis perdu, je vois que l'amour est téméraire. Bébé c'est hyper dur, tu fais que violenter mes rêves. Je sais que les sentiments s'apaisent. Écoute, je sais que les sentiments s'apaisent et que ça se maîtrise pas. Mais t'aurais pu choisir autre chose qu'un appel pour mettre un terme à cette histoire.